Toujours en Corée, une affiche illustrée vient de paraître à la veille du Festival aéronautique pour l'amitié internationale de Wonsan 2016. Ayant pour arrière-plan l'aéroport de Kalman, modernisé comme création architecturale monumentale de l'époque Sungun, elle porte à la partie supérieure les mots « Bienvenue » et l'emblème du festival qui symbolise l'amitié de notre peuple avec les amis étrangers venus assister au spectacle. La publicité laisse voir également des avions de diverses sortes manifestant des techniques audacieuses et adroites. À la partie inférieure sont écrits l'endroit du festival, la durée, etc.